de l'heure où l'on noie les années, à l'heure où se double midi, de l'heure où fleurit le miel, à l'heure où se tourne le soleil, une heure et tu me manques déjà. De l'heure où je me meurs d'ennui, à l'heure où commence ta nuit, de l'heure où tu dors loin de moi, c'est l'heure où je croise les doigts, à l'heure où se chauffent les draps. Peut-être penses-tu à moi, certainement pas.